De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie au microphone, en compagnie de... Samuel Lauzon. Et pour cette deuxième partie d'émission, on va s'intéresser à un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, c'est-à-dire le logiciel ChatGPT. C'est le sujet d'ailleurs de Samuel Lauzon. Samuel, il a été beaucoup dit déjà, beaucoup dit et écrit sur ChatGPT depuis quelques semaines, et j'ai été surprise que tu choisisses ce sujet pour en faire ta chronique. T'as pas peur de dire ce qui a déjà été dit? Oui, oui, tout à fait. Absolument raison, Valérie. C'est un sujet très populaire par les temps qui courent. Beaucoup d'experts se sont prononcés, des sommités qui ont beaucoup plus de connaissances dans le sujet. Là, je prends juste par exemple Joshua Bengio. Par exemple. Ouais, c'est ça. Mais ma chronique vous réserve quelques petites surprises, suspense. Ah oui, intriguant. Donc, dans ce cas-là, je vais y aller avec une première question. En fait, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Il s'agit d'un modèle de langage d'apprentissage profond qui a été formé sur d'énormes quantités de données textuelles pour générer des réponses de type humain dans un contexte conversationnel. ChatGPT a été développé par OpenAI. Et est capable de générer des réponses textuelles du type humain dans un contexte conversationnel. C'est comme avoir un ami intelligent, plein d'esprit et toujours prêt à bavarder. C'est pratique ça. Et comment fonctionne ChatGPT? ChatGPT utilise un algorithme d'apprentissage en profondeur appelé Transformer qui traite l'invite d'entrée et génère une réponse basée sur des modèles appris par des données d'apprentissage. Le modèle comporte plusieurs couches de traitement, les mécanismes d'entrée et d'attention, ce qui lui permet de se concentrer sur les parties pertinentes de l'invite. C'est comme avoir un génie pour la génération de texte. Ça aussi, c'est pratique. Bon, alors dis-moi, Samuel, quelles sont les applications de ChatGPT? ChatGPT propose une large gamme d'applications, des chats robots, à la traduction, à la création de contenu. Avec ChatGPT, vous pouvez avoir un ami virtuel pour vous aider dans vos tâches, qu'il s'agisse d'écrire un livre ou simplement d'avoir une conversation informelle. Et quelles sont les données utilisées par ChatGPT? Comment il fonctionne? L'entrée de ChatGPT est une invite de texte qui peut être une question, une déclaration ou tout autre contexte conversationnel. ChatGPT génère une réponse basée sur l'invite de saisie. C'est comme avoir une intelligence artificielle qui signale d'une conversation. Et ça, qu'est-ce qu'il en sort? Ça ressemble à quoi ce qui sort de ChatGPT? La sortie de ChatGPT est une réponse textuelle générée en fonction de l'invite de saisie et des modèles qu'il a appris à partir de ses données de formation. La réponse est générée pour être pertinente et cohérente dans le contexte de l'invite de saisie. C'est comme avoir un correspondant qui vous répond. C'est comme beaucoup de choses, on dirait. Hein? Souvent, dans l'intelligence artificielle, il faut des données pour entraîner l'algorithme. Donc là, c'est quoi les données d'entraînement pour ChatGPT? ChatGPT est formé d'un corpus massif de données textuelles, y compris des pages web, les livres et d'autres sources de texte. C'est ainsi qu'il apprend à générer des réponses textuelles de type humain. C'est comme avoir une intelligence artificielle qui a tout lu sur Internet. Et comment ChatGPT génère sa réponse? Comment il fait? ChatGPT utilise l'algorithme d'apprentissage en profondeur Transformer pour traiter l'invite de saisie et générer une réponse basée sur des modèles appris à partir de ses données d'entraînement. La réponse générée est conçue pour être pertinente et cohérente dans le texte de l'invite de saisie. C'est comme avoir une intelligence artificielle qui peut lire dans vos pensées. Oh, ben là, ça me fait peur, là. Je veux pas que l'intelligence artificielle lise dans mes pensées, moi. Est-ce que ChatGPT peut générer du texte dans plusieurs langues? J'imagine que oui. Oui, ChatGPT peut former sur des données textuelles dans plusieurs langues, ce qui lui permet de générer des réponses textuelles dans ces langues. C'est comme avoir un correspondant multilingue. Et comment ChatGPT gère les questions difficiles? Ça doit lui arriver d'avoir des questions ardues. ChatGPT gère les réponses basées sur des modèles tirés de ses données de formation. Pour des questions difficiles, sa réponse peut ne pas toujours être correcte ou pertinente. Néanmoins, c'est toujours un outil puissant pour générer des réponses textuelles de type humain. C'est comme avoir un ami qui sait tout, mais parfois a besoin de chercher sur Google. Quand même, ouais. Et est-ce que ChatGPT est capable de comprendre le contexte et de maintenir une conversation? Dans une certaine mesure, oui. ChatGPT a une certaine capacité de comprendre le contexte et de maintenir une conversation basée sur ses données de formation et ses mécanismes d'attention. Cependant, il reste limité par la qualité et la quantité de ses données d'apprentissage et la complexité du contexte conversationnel. Mais c'est toujours mieux que d'avoir une intelligence artificielle qui répond qu'avec des citations aléatoires de Shakespeare. Voilà une petite différence pour la fin. Ouais. Ben alors voilà, donc si vous trouvez que les réponses de Samuel sont formatées ou sonnent artificielles, eh bien vous ne vous trompez pas. Vous l'aurez probablement deviné, la chronique de Samuel a été générée par ChatGPT. Oui, tout à fait, c'est ça exactement. Me voilà démasqué, un mauvais chroniqueur et tout, voilà. Je pense pas avoir confondu beaucoup d'auditeurs ce soir, mais je dois avouer, par contre, que j'étais impressionné par cet outil, de voir ça là, défiler devant nous, là, puis on voit le texte s'écrire au fur et à mesure. Vous l'aurez compris, c'est en quelque sorte une mise en abîme, là, une genre de chronique Inception, là, le film américain. Là, ouais. Dans le fond, j'utilise ChatGPT pour vous parler de ChatGPT. Donc, c'est un ChatGPT dans un ChatGPT. Ouais. Donc, si je vous parle un petit peu de mon expérience, dans le fond... C'est ça, parce que tu l'avais déjà utilisé avant, tu ne l'avais pas juste utilisé pour cette chronique, mais tu en avais déjà fait une autre expérience auparavant. Ben, à vrai dire, c'était pas mal la première fois que je l'ai utilisé, mais j'ai quand même joué un peu avec pour voir un peu où c'est que ça allait et tout. Puis c'est un site... tu sais, le site, en fait, il est vraiment convivial. C'est gratuit, il suffit simplement de s'inscrire. Dans le fond, là, c'est pas une pub pour ChatGPT, mais je veux dire, c'est quand même assez facile, puis c'est ouvert à tous. C'est intéressant juste d'un point de vue, d'une curiosité, d'aller essayer ça, voir un peu comment que ça répond. Faut télécharger le logiciel. Dans le fond, c'est en ligne. Donc, c'est en ligne. Okay. On s'inscrit. Par la suite, la page de cavardage qui ressemble un peu à Messenger là, sur Facebook, là, pour situer un peu les auditeurs. On écrit notre question dans la boîte de clavardage et ChatGPT nous répond. Je tiens à préciser que moi, j'ai utilisé la version... il existe des versions françaises, mais moi, j'ai étudié la version anglaise, puis j'ai traduit. Donc, peut-être que... Parce que la version française, je crois qu'elle est payante. Donc, peut-être que c'est meilleur. Mes réponses, peut-être, auraient été meilleures si ça avait été la version en français. Alors, une fois qu'on a le texte là, que ChatGPT nous a produit un texte, on peut lui demander là, au logiciel de faire des modifications. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon texte commençait tout le temps par ChatGPT, puis finissait toujours par... C'est comme... Voilà, donc on peut allonger le texte, on peut lui demander d'allonger le texte, on peut lui demander d'utiliser un langage plus scientifique, mieux vulgarisé, de préciser des termes, de mettre de l'humour dans le texte, d'écrire à la manière de Shakespeare. Je sais même qu'il y a des exemples qui ont été faits de poèmes comme Gilles Vigneault, par exemple, des choses comme ça, etc., etc. Donc, c'est vraiment impressionnant quand même, très puissant. Et j'ai pas vraiment relevé, je dirais, de fausseté, là. Je l'ai pas utilisé, là, ça fait... pas énormément utilisé, mm-hmm. mais quand on lit, bon, c'est quand même cohérent. Du moins, en tout cas, il y a une bonne cohérence. Toutefois, j'ai quelques bémols, je dirais. Ouais. Vous avez sûrement remarqué, là, comme je disais, qu'il y avait des termes assez confus là, ou mal définis. Là. Par exemple, les réponses là, fournies, c'était... Par exemple, on parlait de données d'entraînement. Là, ouais. Ou de modèles à plusieurs couches, ou encore d'invite de saisie. Voilà, c'est ça, l'invite de saisie. Donc ouais. C'est des termes, je dirais que rapidement, l'auditeur, si moi, personnellement, je faisais la chronique, c'était ma chronique que je faisais, ben je définirais ces termes-là, je les vulgariserais pour ouais. que, être sûr que l'auditeur me suit. Ouais. Mais justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu demander à ChatGPT? ChatGPT, essaie d'expliquer, explique mieux ce que c'est que l'invite de saisie. Oui, ben je dirais que on pourrait lui demander, par exemple, on pourrait rouvrir un autre clavardage, puis demander, pourrais-tu, par exemple, me préciser tel terme? Là, je trouve que ça fonctionne assez bien. Comme je dis, ChatGPT donne des réponses quand même assez précises, courtes, mais c'est quand même assez précis, quand même bien. Mais quand on lui demande de refaire le texte qu'il vient de nous fournir en précisant certains termes, ou qu'on lui demande, par exemple, de nous faire un texte plus long, une réponse au lieu que ça soit 20 mots de 200 mots, là, on sent que l'algorithme est moins à l'aise, je dirais. Mm-hmm. Moi, en tout cas, mon expérience personnelle, là, c'est que l'algorithme serait moins à l'aise. Vraiment, il nous donne des réponses claires, mais là, on s'entend, on est au tout début, là, ça vient de sortir, les médias sont en... Ouais. On en parle. On explore. Hein, ouais, c'est ça, dans 10 ans, ça va être quoi? Là, il y a beaucoup de gens, il y a des milliards de personnes qui... En tout cas, de gens qui ont, au moins, qui sont inscrits, là, ça veut pas dire que c'est nécessairement des gens, là, mais... Donc, voilà, c'est ça. Puis comme tout à l'heure là, vous avez remarqué, il finissait toujours chaque ligne par c'est comme avoir un ami. C'est parce que j'ai demandé justement, j'ai fait une demande à ChatGPT de mettre un peu d'humour, tu sais, pour faire une chronique un petit peu plus comme humoristique. Ah, oui. Donc okay. ChatGPT, l'humour, ça veut dire finir une phrase en disant... c'est sa définition de l'humour. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est comme avoir un ami qui sait tout, mais parfois a besoin de chercher sur Google. Une fois, c'est drôle. Une fois, tu fais « Ah, ben tiens, il fait de l'esprit. » C'est comme avoir une intelligence artificielle qui peut lire dans nos pensées. C'est comme avoir... À un moment donné, ça devient un peu redondant. Ben, on voit qu'il a une recette, finalement, pour mettre de l'humour et qu'il applique toujours la même recette. Exactement, c'est ça. Donc, comme je dis, on est au tout début... On verra dans 10-15 ans, ça va être quoi, mais voilà. Ouais, est-ce que tu lui as demandé aussi de mettre de l'ironie dans... Oui. C'est ça, d'ailleurs. Ben, j'essayais de réfléchir à quelque chose que je trouve profondément humain. T'sais, l'humour, t'sais, souvent, bon, c'est quoi l'ironie? C'est quand même quelque chose qui est quand même difficile, puis je dirais même c'est pas... Partout, en tout cas, j'avais déjà vu des études qui montraient que c'est pas nécessairement tous les cultures que l'ironie est aussi présente. Mettons que l'ironie britannique est très connue, en tout cas, souvent les humoristes, ça va être ça. Donc, c'est ça, j'ai demandé de mettre de l'ironie dans le texte. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a acheté le mot « ironie » à quelque part, là, bon, dans le texte. T'es OK, pas, il a mis le mot « ironie » Mais il n'a pas forcément mis de l'ironie. Oui, c'est ça. Il a mis seulement le mot ironie et il n'a pas comme fait une phrase ironique ou utilisé l'ironie pour agrémenter son texte. Ouais. Là. Il a juste utilisé l'ironie. Donc là, je suis allé lui demander c'est quoi l'ironie selon ChatGPT. Puis là, comme un bon élève, il m'a répondu. Puis c'est ça, je dis, quand on demande une question claire, il est très bon, il m'a répondu. L'ironie est une figure de style dans laquelle le sens voulu d'un mot ou d'une expression est l'opposé de son sens habituel, souvent pour un effet humoristique ou rhétorique. Je trouve que c'est quand même très bien. Bon. Là, par contre, je lui ai demandé, donne-moi un exemple d'ironie. Et là, il m'a sorti un embouteillage alors qu'on est déjà en retard. Bon, ça peut-être être drôle, mais être ironique, mais Je suis pas certain. En tout cas, je voulais juger, mais ironiquement, ce que je trouvais très ironique, c'est que ce sont les paroles d'une chanson. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviendront. Ironic de Alanis Morissette, là, où c'est que elle dit ça. Elle dit. Je me souviens pas exactement c'est quoi là, mais elle dit être dans un embouteillage alors qu'on est en retard. Ah, donc il a fait un croisement là avec ironic et puis il s'est dit ok, ça doit être de l'ironie. Ça doit être de l'ironie. Donc, je vais le ressortir. C'est ça. Ouais. Mais c'est quand même dur de donner un exemple tout de suite d'ironie comme ça. Moi, je me disais peut-être quelque chose du genre le gouvernement qui nous envoie une lettre, puis qui nous demande de lui fournir notre adresse. Donc ça, je dirais que c'est quand même, il y a une certaine ironie dans ça. En tout cas, je voulais juger si ChatGPT a vraiment compris la finesse de l'ironie. Ouais, pas sûr. Hein? Pas certain. Mais donc, je trouve ça intéressant. J'utiliserai un peu la même formule là. C'est comme avoir un ami. Moi, je dirais que c'est comme avoir un ami qui est très brillant, mais qui est peut-être pas un sens, une intelligence émotionnelle très développée. C'est ça. Voilà, tu sais. Peut-être, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de connaissances dans son bagage, mais c'est pas toujours comment les utiliser avec intelligence émotionnelle, c'est vrai. Ouais. Quand même, ce logiciel fait beaucoup parler de lui, hein. D'après toi, pourquoi? Ben, je pense que ça vient de beaucoup des inquiétudes. Une des raisons, ce serait les inquiétudes. Comme ChatGPT est entraîné sur des milliards de documents, et c'est des gens qui ont créé, dans le fond, ces documents-là, qui ont écrit tout ça, est-ce que, dans le fond, les droits d'auteur des textes qui sortent de ChatGPT sont à qui appartiennent? Est-ce que c'est libre ou ça l'appartient vraiment comme ça appartient à la personne qui écrit les mots, qui a posé la question? C'est ceux qui ont développé le logiciel ou c'est les milliers de personnes sur milliards même, je crois, de textes sur lesquels ChatGPT s'est entraîné pour faire. Donc, il y a un peu ça, là. Donc, il y a des inquiétudes sur le niveau des droits d'auteur. Je dirais que ça serait une première réponse. Il y a aussi une crainte des professeurs, là. Mm-hmm. On avait ton invité Valérie juste avant, qui est professeur à l'université, puis qui nous disait pendant la pause publicitaire que, justement, il a testé même des questions d'examen sur ChatGPT, voir un peu qu'est-ce que ça sortait. Donc, je pense que c'était une inquiétude, une réflexion. Pour voir quelle note il mettrait si c'était ChatGPT qui répondait. Il avait des bonnes notes quand même. Oui, quand même. Il disait que ça passait. Puis, d'ailleurs, il y a un article sur Radio-Canada, là, sur ChatGPT, qui dit que, dans le fond, ChatGPT aurait réussi de justesse. Là, je pense que c'était C+, c'est moins, je me souviens plus exactement, là, désolé. Le barreau d'une faculté de droit américaine. Donc, ils ont fait passer, ils ont posé des questions et ChatGPT a répondu, puis il aurait réussi son barreau. Donc, c'est quand même, quand même impressionnant, là. Ouais. J'imagine peut-être pour ce genre de questions-là, peut-être que c'est plus adapté. Ouais. En relation d'aide, peut-être avec un psychologue, je suis moins sûr, là. D'utiliser ChatGPT comme psychologue, là. Justement, s'il n'est pas très fort en intelligence émotionnelle, peut-être que ça va être limité pour ces interactions avec les humains. Je pense que plusieurs personnes aussi ont peur de perdre leur emploi, dans le fond d'être remplacées par ChatGPT, tous ceux qui écrivent. Donc moi, on vient de faire une chronique. Est-ce que un jour, dans le fond, on n'aura plus besoin de chroniqueurs du tout, puis ça va être seulement des textes écrits par l'intelligence et des voix, on est capable d'imiter des voix de synthèse, des voix de synthèse. Ouais, on va imiter ta voix, Samuel. D'ailleurs, plus qu'on parle, plus que les algorithmes vont s'entraîner sur nos voix. Donc, voilà. Est-ce que c'est un danger réel que, dans le fond, l'intelligence artificielle, que ChatGPT envoie tous les travailleurs au chômage? Ce serait une question qu'on pourrait se poser. Plusieurs spécialistes pensent que oui, dans le fond, jusqu'à une certaine mesure. Tout à l'heure, je parlais de Joshua Bengio. qui mentionnait, je mentionnais son nom en introduction, puis il dit que souvent on a comme des images un peu apocalyptiques comme Terminator par exemple, mm-hmm. mais enfin ça serait peut-être plus une transformation du marché de l'emploi qui, ouais. qui serait ça comme un risque, un grand risque, un peu comme les guichets automatiques là, c'est pas de l'intelligence artificielle là, mais qui ont remplacé les caissières, la voiture a remplacé le cheval, la technologie ben parfois remplace l'humain. Mm-hmm. Donc mais je pense qu'il faut voir ça aussi avec philosophie. Par exemple, la photographie, quand elle est arrivée, les gens, les nobles et tout ça se faisaient peindre. C'est pour. Vrai. C'était la façon, dans le fond, de capter le moment, de capter le visage mmh. de quelqu'un, c'était de se faire peindre. Mmh. Donc, quand la photo est arrivée, ben, ouais. c'est ça, c'est difficile de rivaliser avec quelque chose d'aussi performant qu'une photo. La vidéo, c'est encore plus. Mais par contre, ça a créé d'autres choses. Ça a créé des mouvements de peinture abstraite. Ça, ouais. ça a changé ouais. tout plein de choses. Donc, je me dis que c'est un outil de plus. C'est ça. Ben, tu sais, on pense les grands-parents qui ont fait leurs études avec des bouliers puis qui n'avaient même pas de calculatrice. Maintenant, ouais. on parle de R. Donc, ouais. c'est ça. Donc, c'est peut-être plus une transformation, puis une transformation peut-être de la société qui nous entoure. Et puis, ben, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est plus des travailleurs qu'on cherche plutôt que des emplois. Oui, c'est vrai. Bien vu, oui, tout à fait. Ouais. Fait que est-ce que tu es prêt à poursuivre ton expérience avec ChatGPT pour tes besoins personnels? Pour tes chroniques, je vais te demander de garder ton esprit critique. Je pense qu'on a encore besoin. Oui, je ne suis pas encore prête à se me fier entièrement à ChatGPT. Je pense que ça vaut le coup quand même de garder notre esprit critique, de savoir d'où vient l'information qu'on utilise, les sources d'information, parce que finalement, ChatGPT écrit. Donne des réponses, mais on n'a pas accès à ces sources. Oui, tout à fait. Ça reste obscur, c'est dans une boîte noire, ça. Oui, tout à fait. Il faut croire sur parole. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut quand même aller chercher les sources. C'est toujours simple. En plus, c'est une émission scientifique, donc on essaie de se baser sur les faits. Oui. Et quand c'est comme un peu une boîte noire, donc on ne sait pas. C'est un peu c'est ça, l'intelligence artificielle aussi. C'est une boîte noire où c'est qu'on peut avoir quelques inputs, là, mais. Donc c'est difficile. C'est ça. Ouais. Ça n'empêche pas la vigilance quand même humaine de peut-être, on regarde ce que ChatGPT nous écrit, mais avoir fait nos recherches de notre côté aussi pour pouvoir croiser ce qu'on a lu avec ce que ChatGPT nous fournit comme réponse. Peut-être pas être aveugle, pas prendre aveuglément ce qu'il nous dit. Oui, tout à fait. Puis je pense aussi à un autre point, ChatGPT. Je crois que tout ce qui est travail de... social ou j'ai le mot en anglais là, caring là, qui est comme le soin, ben tu sais toute l'intelligence, je pense que ça va prendre quand même un niveau de plus là avant que vraiment comme par exemple à la radio là on parle, on rit, on rigole avant qu'ils saisissent tout ce jeu là quand on fait de l'ironie et tout ça. C'est ben peut-être là, je sais pas, pas de boule de cristal. Il va falloir qu'il améliore son sens de l'humour, on l'a vu effectivement. Très bien, ben merci beaucoup Samuel pour ce reportage original sur ChatGPT avec un angle assez différent peut-être. C'était aussi original mais on sentait venir quand même avec toujours les mêmes réponses qui venaient tout le temps. Tout à fait, ouais. On en rigolait même. Alors merci beaucoup Samuel.